plaisant de faire un commentaire positif quand on l'étudie sur pour avoir un bon comportement pour nos employeurs. Ça m'a encouragé de, tu sais, d'être. En tout cas, ça porte fruit. Ouais, c'est ça. D'être un bon employé. Puis de. Ouais. Ça, je vais juste le souligner. OK, merci. OK, on va lire ensemble du verset 11 jusqu'au verset 15. Michel, veux-tu lire ça? OK, je vais en faire quelques versets, puis on fait le tour, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu sais que deux, je pense qu'il y a à peu près ça. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Ainsi dois-tu parler, exhorter et reprendre avec une pleine autorité, que personne ne te laisse. Donc, probablement, vous avez déjà entendu comme moi, par des gens non sauvés surtout, qui vont dire, comme ça, vous autres, vous êtes sauvés. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez ou à peu près. Vous êtes certain d'être sauvés. Il ne fait pas tellement longtemps, deux témoins de Jéhovah me disaient ça. Comme ça, c'était certain de sauver. Tu peux faire ce que tu veux. Et c'est une mauvaise compréhension du salut. Et une mauvaise compréhension de la vie chrétienne. Et il semble que l'apôtre Paul ici va faire sortir que la grâce ou le salut par la grâce ne pousse pas le croyant à l'inaction, mais à l'action. Plus, moi je vous dis, plus notre zèle diminue, c'est parce qu'on a une connaissance du salut moindre. Okay? Le zèle et la connaissance du salut vont ensemble. Et j'ai déjà dit une fois, mettez le plus beau diamant sur la table ici. Après un certain temps, on ne le regarde plus. Parce que on s'habitue à la voir, c'est tout. Premier temps, on regarde une bague, c'est beau, une belle bague, hein? On regarde une bague, mais avec le temps, on ne s'en aperçoit plus qu'elle est là. On la regarde tous les matins, oh, qu'elle est belle, qu'elle est belle. Non, c'est, on, attend, on l'oublie. Elle a toujours l'autre dans le doigt, mais on l'oublie. Si elle changerait d'apparence tous les matins, alors, des couleurs différentes, avec le soleil, avec la lumière, donc on regarde. Et si notre salut devient de plus en plus beau, de plus en plus grand, de plus en plus merveilleux à nos propres yeux, plus notre zèle va grandir en conséquence. Hein. Donc, si on dit que le zèle des croyants diminue, c'est parce que leur salut, ils comprennent une certaine boîte de données, puis ça arrête là. Ils sont sauvés depuis 20 ans, ils ont compris certaines choses, puis ils n'ont pas accumulé d'autres connaissances, donc ça devient comme un peu monotone. On parle du chien. Ton chien ne sera jamais le même si tu chantes quand j'avais un an du chrétien et quand j'en ai 30 ans du chrétien. Et si ma connaissance est plus grande, il va y avoir plus de données dans mon chant que quand j'avais un mois de vie chrétienne. Puis là, je vais le chanter avec encore plus de joie, plus de conviction. Plus... C'est pour ça que je crois pas le fait que vous ne prenez pas du Seigneur trop souvent, vous allez, ça va donner une routine. Pas si je découvre continuellement des choses nouvelles à propos de mon salut en Jésus-Christ. Que là, je me rappelle. Moi, personnellement, j'aime bien plus mon salut aujourd'hui que là 30 ans. Beaucoup plus, beaucoup plus. J'aimais ça. Est-ce que c'est le verset de. Vous avez été détourné de votre premier amour. Moi, je disais, je ne vais pas me retrouver avec l'amour que j'avais quand j'ai été sauvé. Parce que mon amour, 30 ans plus tard, devrait être bien plus grand que quand j'ai été sauvé. Le texte ne parle pas de ça, de notre quantité d'amour. Il parle du sujet de notre amour dans l'Apocalypse. Tu t'es détourné de ton premier amour qui était Jésus-Christ. Tu t'es tourné vers les fausses doctrines. Donc, c'est pas tu as moins d'amour, puis tu n'avais plus ou moins. C'est pas une quantité d'amour comme l'objet de l'amour que t'as, qui est différent. Mais moi, je me dis que plus je vais grandir dans la connaissance de la grâce de Dieu pour moi, plus mon zèle va augmenter. Je me souviens dans Romains, chapitre 6, il y en a qui vont dire, Ben, si le péché fait abonder la grâce, il dit péchons en masse. Allons-y, péchons. Et l'apôtre Paul répond jamais, au grand jamais. Faites pas ça. Le mot dans le grec, c'est le négatif le plus fort de la langue grecque qu'il a mis là. Jamais, au grand jamais. Vous devriez penser comme ça. Tu sais, si on mettrait une page de jamais, pensez pas de même. Tu sais. C'est idiot de penser ça. Tu sais. C'est vraiment spécial comme pensée qu'ils ont eue, là, l'argument qu'ils n'ont pas répondu. Puis ici, dans notre épître, ça vient bien dans notre sujet d'épître parce qu'il y a des gens dans l'Église qui font profession de connaître Dieu, mais qui le renient par leurs œuvres. Ils sont des abominables. Et incapable d'aucune bonne œuvre. Comprenez-vous la différence? Donc, c'est des gens qui disent qu'ils ont connu la grâce, mais que la grâce ne produit pas le zèle des bonnes œuvres. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont vraiment connu la grâce? Mais ils disent. C'est que là, disait, ils disent qu'ils l'ont connu. Oui, ils disent connaître Dieu, mais ils le renient. Ben oui, c'est toujours ça. Ils disent, c'est ça. Mais est-ce que réellement, parce qu'il me semble que quand on est sauvé, le Saint-Esprit produit des œuvres en nous. C'est lui qui va nous inciter à les faire ou nous faire faire. Moi, je disais, quand on parle comme ça, c'est toujours pas tout à fait évident. Si on parle de la doctrine du salut, c'est facile d'en parler. Là, si tu parles du salut de quelqu'un, ça devient très litigieux, très difficile. Parce que là, si tu dis, dans la Bible, quelqu'un qui est sauvé, quelqu'un qui est né de nouveau, fait des œuvres. Produit des œuvres. L'Esprit Saint va le conduire à produire des œuvres. Ça, c'est ça que la Bible a dit. Simplement. Ouais. Mais je commence à dire maintenant, lui, s'il l'a dit, maintenant, c'est pas tout à fait évident. Mais si je parle du salut que la Bible dit, ça, c'est plus facile. C'est plus facile à faire. Parce qu'il y a des gens qui vont passer par des étapes pas évidentes. Mais ici, il est marqué, dans l'Épître, ils font profession. Ils disent connaître Dieu. Mais ils le renient par leurs œuvres. Donc, Paul va dire la même chose un peu que Jacques. La foi sans les œuvres est morte. C'est la même chose. Mm. Donc, si tu dis que tu as la foi, puis tu fais rien, puis cette foi-là ne produit pas les œuvres, ta foi est morte. Mm-hmm. Puis ici, c'est la même chose. Si tu dis que tu connais la grâce de Dieu, que tu connais, tu es sauvé, et tu connais Dieu, ta relation avec Dieu, parce que connaître, ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance relationnelle. Exact. Il dit, puis que tu ne fais pas les œuvres qui vont avec, c'est un abominable. Quand tu parles d'œuvre, qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il veut dire avoir des ministères? C'est quoi les œuvres? Jusqu'à date, dans les Bibles. Les fruits de l'esprit. Dans ce qu'on a vu dans le titre, on n'a pas vu ça, les ministères, jusqu'à date. On a parlé de moralité, d'en être honnête, d'être juste, d'être avec nos patrons, avec les femmes âgées. C'est ça qu'on parle des bonnes œuvres ici, dans l'épître. Okay. Dans cette épître-là, on parle des hommes qui doivent être sobres, justes, honnêtes, les femmes pas médisantes, pas ci, pas ça. C'est toutes ces œuvres-là qu'on parle ici. Là. Okay. On parle de moralité ici, plus que de ministère comme tel. Mm-hmm. OK? Donc, parce que le ministère, c'est pas quelque chose que quelqu'un... Oui, parce que tu peux faire du ministère, puis pas ça. Pas être. Et la moralité devrait aller de pair avec la doctrine. Dit les choses conformes à la saine doctrine. Donc, la saine doctrine, c'est une chose. Et maintenant, est-ce que ma vie est d'accord avec ça? Okay? Donc, si ma vie n'est pas d'accord avec ce que je dis, ben, tu fais profession de connaître, mais tu le remis par la vie que tu fais. Nous, on a toujours pensé, bonne œuvre, certains accomplissements, là. Mais c'est pas tout à fait ça qui parle ici. Ils vont en parler un peu plus loin de d'autres choses, mais ce qu'on a vu jusqu'à date, c'est. Quand on a parlé des anciens, on parlait de la famille, de mari d'une seule femme, d'être honnête, d'être sobre, d'être modéré. Donc, c'est toutes des vertus, on pourrait dire, là. Okay? Des vertus spirituelles. C'est ça dont on parle ici. L'apôtre Paul lui dit, dans 1 Corinthiens, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » Voyez-vous? Sa grâce n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois. C'était pas il dit tout de suite, pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc là, il justifie que j'ai travaillé beaucoup, mais c'est la grâce de Dieu qui est en moi qui a fait cette œuvre-là. Donc il dit, la grâce de Dieu n'a pas été vaine. T'sais, j'ai pas reçu la grâce de Dieu, puis il dit, bon, maintenant je suis sauvé, c'est vacances jusqu'à temps que le Seigneur revienne. Non, j'ai travaillé. On sait comment on surlit la vie de Paul, on sait qu'il a été très zélé pour l'œuvre de Dieu. Donc, faut faire attention que faut pas se comparer au zèle que Paul a eu, mais il faut avoir du zèle. C'est pas la forme de zèle qui est importante, c'est d'avoir du zèle qui est important. Notre zèle va se manifester chacun de notre façon. Donc, l'apôtre Paul va dire à plusieurs reprises dans les Épîtres que la grâce de Dieu, c'est pas vain, ça. Dieu ne sauve pas les gens juste pour les sauver. Il sauve les gens pour qu'ils le servent. C'est pour ça que j'ai de la misère, personnellement, avec les saluts sur le bord de la mort. Ils sont en train de tomber, mais ils sont sauvés là. J'ai toujours eu de la misère. C'est avec le larron, on va dire que le larron. Mais le larron, eh bien, il a eu 3 heures, puis il a utilisé les 3 heures. OK? Mais j'ai toujours de la misère à voir que les gens qui acceptent le Seigneur, qu'on dit, nous, parce qu'on ne voit pas aucune œuvre. Ils font une profession de foi sur le lit de mort, puis là, ils meurent. Non, on ne sait pas. J'ai vu des gens faire profession de foi sur le lit d'hôpital, puis 2 jours après, ils meurent, mais ils ne l'ont pas dit à personne. Ils n'ont pas dit à une femme, ils ne l'ont pas dit à personne. Bon, non, on ne sait pas. C'est pas de fruit, comment tu veux qu'on sache? On espère, on laisse ça dans les mains de Dieu, c'est pas nous autres qui décident, finalement, mais il a fait une profession de foi, mais il n'a pas dit à personne, me semble, dans ma tête. J'ai encore ma tête, là. Si le gars, il n'a pas toute sa tête, mais peut-être qu'il a fait une fausse profession de foi, s'il n'a pas toute sa tête. Mais s'il avait toute sa tête, puis il a fait une profession de foi de façon légitime, me semble que ce serait la meilleure, la plus belle chose que je dirais à ma femme avant de partir. Hey, faites-en pas, je m'en vais au ciel. Monsieur Landlois, un bonhomme qui a accepté le Seigneur avec moi, il est mort quelques semaines après. Mais aussitôt qu'il était sauvé, il était malade, il savait qu'il pouvait mourir n'importe quand. Et la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a ramassé sa femme et il a dit: hey, faut que je te dise quelque chose. Fais pas de messe pour moi. Fais pas chanter de messe pour le purgatoire, pour moi, le musulman. Je m'en vais au ciel. Je suis certain. Je suis avec Dieu, je suis sauvé maintenant. Mes péchés sont pardonnés. Il a fait un beau témoignage à sa femme, puis il est mort pas longtemps après. Il n'a plus le temps de dire: hey. Puis moi, je me suis servi de ça quelques temps après, parce que sa femme me donnait de l'argent. Je voulais chanter une messe baptiste pour son mari. J'ai dit: qu'est-ce qu'il vous disait, votre mari, pendant qu'il était encore vivant? Ouais, il m'avait dit qu'il n'avait pas besoin de ça. Tu sais, qu'il était rendu, il s'en est avec Dieu, c'était par Jésus-Christ, pas par les messes. C'est tout ça, je trouve ça beau, édifiant, parce qu'il a rendu témoignage. Comme le larron sur la croix, 2-3 heures, mais il a rendu témoignage. À tout le monde qui l'a entendu, on a son témoignage dans la Bible. Nous méritons de mourir, lui ne mérite pas de mourir. Puis tu n'as pas peur de parler contre lui, il dit ça à son junk au bord. Il rend un témoignage. Mais s'il n'avait pas parlé, qu'il aurait eu ça dans son cœur, on l'aurait amené. C'est-tu là, on l'a-tu vu, bon, là, c'est le dimanche qu'on a dit, où est-ce qu'on va le voir là, peut-être, dans publiquement. Tu as fait une profession publique. Ça veut dire, celui qui va prendre position pour moi publiquement, ou celui qui me renie, je vais le renier. Celui qui prend pour moi devant tout le monde, moi, je vais prendre position pour lui devant le Père. Mais si tu me renies devant les gens, moi, je vais te renier au bord. Donc, il faut que tu prennes une position publique. Tu ne peux pas être, moi, je suis un chrétien, mais. C'est pour moi, ça. C'est pour moi. C'est juste pour moi. Personne ne va savoir. Et moi, j'ai de la misère avec ça. J'ai bien de la misère avec ça. Parce que imagine, quand on apprend ça. Non, mais quand tu es à peu près mourir, des fois, tu n'es pas toujours à ton maximum intellectuel. Non. Là, c'est sûr. On ne cherche pas l'exception. On cherche la règle. Mais en général, quand tu nais de nouveau, tu découvres quelque chose que tu ne savais pas, puis tu dis: hey, il faut que les autres sachent ça. Parce que moi, je me dis que si j'ai on s'en allait en enfer. Si j'ai ma tête assez claire pour accepter le Seigneur, je devrais avoir ma tête assez claire pour le dire. Dans ma tête, dans ma règle générale. Non, ne cherchons pas les exceptions. Ouais. Règle générale, ça devrait être public. Ça devrait être. C'est pas ce que je dois dire. Tu as fait une belle profession de foi devant tous. Règle générale, dans la Bible, ce qu'on voit, les gens font. Puis je crois que c'est la raison pourquoi Jésus, les gens se faisaient baptiser. C'était une profession de foi publique. Ben, le baptême, c'était devant une tout le monde. De foi, au moins devant 2, 3, 4 qui étaient là, tu faisais une profession de foi. C'était ta façon de dire: je crois. C'est que même l'unique qui fait une profession de foi devant Philippe, au moins. Même s'il avait été seul. Le temps que tu acceptes Dieu puis que tu fasses ta profession de foi, si tu meurs. Non, ça ne t'enlève pas. Là, c'est t'enlève ça. Pas ça. C'est, je crois pas c'est à la. Confirmé. À la, je crois pas à la. Au baptême qui sauve. Au baptême d'eau qui sauve. Je crois pas que le baptême d'eau sauve. Je crois que le baptême en Jésus-Christ sauve. Donc, faut nuancer. Donc, c'est dans ce sens-là. Parce que être baptisé, c'est devenir un avec Christ. C'est faire un avec Christ. Si je ne suis pas baptisé en Christ, je ne peux pas être sauvé. Il faut que je sois un avec lui pour être sauvé. Donc c'est, et le baptême, c'est l'expression d'être un avec lui. Vous avez été mort avec lui, vous êtes ressuscité avec lui, vous avez été enseveli avec lui, et vous êtes devenu une plante avec lui. Le baptême, c'est l'expression de ça. Donc, c'est pour ça que je crois que dans ce temps-là, on les baptisait tout de suite, la même journée de la profession de foi. Il n'y avait pas de délai. Puis je crois que c'est une de nos erreurs qu'on fait aujourd'hui, qu'on retarde si loin le baptême, parce que les gens, on n'est jamais sûr. Jamais sûr de ce qu'ils pensent. Parce qu'ils ne veulent pas le dire à personne, on peut le ci, on peut le ça. C'était une grosse question avec Donald. Donald, 10 ans. 10 ans dans les églises baptistes, pas baptisé. Je lui dis, pourquoi tu n'as pas fait baptiser avant? C'est ma question. C'est la question que j'avais à lui poser quand j'ai parlé avec lui. Ah, je ne voulais pas que personne le sache. Je dis, ah, ouais. Mais peut-être qu'il ne savait juste pas. Ah oui, il savait, il était dans une église, il savait. Tout le monde se faisait baptiser. Il avait peur de ce que sa mère dirait, de Satan. Ah, okay. Il avait peur. Il ne voulait pas afficher devant tout le monde. Il ne voulait pas être rejeté. T'es-tu certain que tu étais prêt à prendre position pour le Seigneur? Il dit, pourquoi aujourd'hui, là? Ta mère est encore là. Pourquoi aujourd'hui tu le fais, là? C'est quoi la différence, là? Et tu vois-tu, c'est un gros litige dans les Écritures, cette position-là. Mais on revient à la grâce. On a passé par un petit peu dans les eaux du baptême, on revient. Donc, on va voir ensemble que la grâce de Dieu nous pousse aux bonnes œuvres. Okay? Ça va bien dans le contexte de ce qu'on voit avec l'épître de Tite. La grâce de Dieu, loin de nous rendre indifférentes, passifs, elle nous rend plutôt actifs et zélés dans ce sens-là. Donc, comment est-ce que la grâce nous pousse à produire des œuvres? Dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Premièrement, la grâce de Dieu, ce n'est pas une espèce de quelque chose d'insère. La grâce de Dieu, c'est une personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Comme l'amour de Dieu, c'est une personne. L'amour, la vérité, la lumière, tout ça, ça se réside dans une personne. Dieu dit « je suis la lumière ». C'est pas « j'ai de la lumière », c'est « je suis ». Je suis la vérité, je suis la parole de Dieu, je suis la grâce de Dieu, je suis, c'est moi qui est comme ça. Il dit, comme la loi est venue par Moïse, la grâce est venue par Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est arrivé, la grâce est arrivée avec, elle n'est pas arrivée aux côtés dans une sacoche. Tu sais, je vais vous en donner un petit morceau à chacun. Non, c'est lui, c'est la grâce de Dieu. Donc, il faut le voir comme une personne. La grâce s'est manifestée. N'as-tu qu'on le mot révélé? Oui. Le mot révélé. C'est quelque chose qui était caché, et c'est quelque chose que maintenant qu'on peut voir. Okay? C'est le contraire de cacher. Révéler, c'est quelque chose qui était... Les choses révélées sont à l'homme, les choses cachées sont à l'Éternel. Mm-hmm. Donc, ce qu'on ne sait pas, c'est parce que Dieu ne les a pas encore révélées. Mm-hmm. Mais ici, la grâce, telle qu'on l'a connue en Jésus-Christ, c'est quelque chose de caché. Jusqu'à temps que Jésus-Christ vienne. Il n'y a pas personne dans l'Ancien Testament qui avait vu venir ça. Comme ça. Dieu devient chair, va mourir. Il n'y a personne qui a vu venir ça. Il va y venir le Messie qui libérerait Israël, qu'il y avait un Messie qui s'en allait les sauver. Les plus spirituels, comme Siméon, ont vu le salut spirituel de ses péchés, mais ils n'ont jamais vu Dieu s'incarner, ils n'ont jamais vu Dieu prendre chair et venir mourir sur une croix pour lui-même, prendre sa place. Ils ne voyaient pas ça. La prophétie d'Ésaïe 53, il ne la comprenait pas du tout. Ah non, même les grands rabbins juifs, ils voient, c'est Israël ça. Ésaïe 53, c'est Israël. Comme la délivrance. Non, c'est le peuple d'Israël qui souffre, qui fait ça. C'est Israël, la souffrance. Hein. Ils ne voient pas ça comme étant le Messie. Le Messie, t'as pas un Messie souffrant pour eux autres. Pour eux autres, le Messie, c'est un Messie libérateur. Un grand souverain, un grand maître, un grand seigneur, un grand chef d'armée qui venait libérer de toutes les puissances alentour. Un peu comme David avait fait avant Salomon. Donc, David avait libéré tout Israël de tous ses ennemis. Le Messie va faire ça encore une fois. Il va tout libérer. Puis c'est encore ça qu'ils croient. Je parle avec des rabbins aujourd'hui qui ne sont pas chrétiens. C'est encore ça qu'ils attendent. Un Messie semblable qui va venir emmener le monde à se soumettre à Israël. Quand Satan va venir faire une espèce de paix mondiale, on va penser que c'est le Messie. Moi, quand j'ai parlé avec le rabbin, j'ai dit, t'es dans la belle position que tu vas recevoir l'Antéchrist comme étant le Messie. Oh. J'ai dit carrément comme ça. Il connaissait tout ça, l'Antéchrist? Il n'avait entendu parler, mais lui, il ne veut pas lire le Nouveau Testament. Il n'a jamais lu. Il ne veut pas le lire, parce que pour les autres, c'est un livre sur la liste noire, Apocryphe. Mais il avait déjà entendu parler de ça, c'est bien sûr. Mais pour lui, c'est certain qu'il m'a quasiment donné une claque à la face, là, mais j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, le Messie? Il faut qu'il bâtisse le temple, il faut qu'il fasse ci, il faut qu'il fasse ça. Il dit, t'attends presque l'Antéchrist. Le prophétie, oui. Parce que Christ ne fera pas ça, mais qu'il revienne. En d'accord. Mais il s'est manifesté. Pour moi, là, juste le fait qu'il s'est manifesté. Quand quelque chose nous révèle, quand quelqu'un nous révèle un secret caché depuis longtemps, on se sent privilégié jusqu'à un certain point. Quand quelqu'un nous révèle c'est tous ces petits coins noirs de la vie, on se sent comme privilégié parce que tu dis, waouh, jamais 100 personnes me le dit à moi. Ici, Dieu a manifesté quelque chose qui n'était pas pensable, imaginable à l'être humain. C'est pour ça que les Juifs ont eu si de misère avec ça. Dieu fait chair, Dieu a un fils. Voyons, donc si ça a de l'allure. Puis il meurt en plus de ça. N'avons-nous pas entendu dire que le Messie vivrait éternellement? Ça nous vaut pas. Est-ce que tu as aussi le fait qu'il n'y ait pas l'Esprit de Dieu? Puis, même si l'Esprit de Dieu est en train de leur dire, ils ne voulaient pas ce genre de Messie-là, à cause de leur état de péché. Ils voulaient un Messie qui amenait la prospérité, l'argent, la population. C'est ça qu'ils voulaient. Comme beaucoup de gens présentent là n'importe quel Dieu dans le monde, si ce Dieu-là est capable de lui donner la santé et la prospérité, ils vont y adhérer dessus. Mais s'il ne leur donne pas ça, ils vont changer de médaille pour une autre médaille. Et c'est ça que ça va faire. Ils vont changer de médaille jusqu'à temps. Puis là, si ça faut, ils vont avoir 10 médailles. Une médaille pour les semences, une médaille pour la fertilité, puis une médaille pour ci, puis une médaille pour ça. Parce qu'ils veulent avoir un Dieu qui va leur donner la prospérité, la santé, tout ça. Mais quand un Dieu qui arrive et qui dit, tu es un pécheur, tu dois te repentir. On n'en veut pas de ça. Fait que même si Dieu l'a représenté, on a vu ça dans le. Quelqu'un a parlé aux disciples dans Luc, il dit, beaucoup de prophètes ont voulu voir ce que vous avez vu, mais ils ne l'ont pas vu. C'est heureux vous êtes, vous autres, de voir ça s'accomplir maintenant. Ça fait des milliers d'années que les prophètes et les gens qui ont cru attendaient, espéraient à ce jour. Là, il arrive dans votre vécu à vous autres. Vous voyez, vous, la grâce de Dieu maintenant se manifester. Donc, si Dieu ne l'aurait pas montré, je vous garantis qu'on pratiquait une religion. On ferait comme les autres. Dieu a révélé Jésus-Christ, il a fait venir sur la terre, on l'a vu, la race humaine l'a vu, et nous, on le voit spirituellement. Et donc, c'est une révélation. Ça ne vient pas de l'être humain. Ça ne vient pas de la connaissance humaine. Ça ne vient pas de notre capacité de comprendre le français dans la Bible. Oui, on peut la lire, puis saisir le paquet d'affaires. Oui, c'est ça. Mais il y a un homme, là, j'écoute de temps en temps, là, au canal Savoir, un homme qui parle de la Bible. Tout le temps, il parle, lui, c'est la Bible, la connaissance de la Bible, la Bible parle. Pas la Bible le parle. En tout cas, cette semaine, il expliquait les paraboles. Drette dessus, bonhomme, drette dessus, vraiment une belle manière de faire de la magnétique des paraboles. Mais il ne comprend pas. Il interprète mal. Parce que pas l'Esprit de Dieu. Mais il avait la bonne méthode. Et c'est ça, c'est dit, c'est une histoire contée pour nous aider à comprendre un principe biblique. Il ne faut pas prendre ça mot à mot, il faut prendre ça dans l'ensemble. Vraiment une belle façon de comprendre les paraboles. Mais quand il donne l'interprétation, tu te croches. Parce que ça prend l'Esprit de Dieu, là. Jésus a dit, ces choses-là sont cachées, ces gens-là. Mais moi, je vous les révèle. Voyez-vous? La révélation de la grâce. Donc, la grâce va nous pousser aux œuvres parce qu'elle nous l'est, elle nous est révélée. Juste par le fait qu'elle nous est révélée, ça veut nous pousser à faire de quoi? Juste à devant cette personne-là. Deuxièmement, elle nous enseigne la grâce. Elle nous enseigne quoi? Premièrement, elle nous annonce à renoncer. Elle va nous pousser à faire quelque chose, mais premièrement, elle nous aide à renoncer. Renoncer à deux choses. L'impiété. Mépris de Dieu. Mépris de Dieu, c'est bon. Très bon. Piété, c'est ça. Piété, c'est l'amour de Dieu. L'impiété, c'est le mépris de Dieu. Parce que la piété, c'est aimer les choses de Dieu. Okay? C'est aimer les choses de Dieu. Hier, on a dit, Ginette a dit, c'est spirituel. Pas tout à fait. Spirituel, c'est tout le monde des esprits. Tu peux être spirituel, puis pas aimer les choses de Dieu, le vrai Dieu. Exact. Donc, faire attention, parce que tout le New Age est spirituel. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'amour de Dieu. Okay? L'amour de Dieu ici, on aime les choses de Dieu. Donc elle dit, vous allez renoncer à l'impiété. Elle nous enseigne aussi à renoncer aux convoitises mondaines. Au désir de ce monde. Au désir de ce monde. Passion. Donc, il faut faire attention aussi. On ne parle pas qu'on va renoncer à avoir une maison ou un char, c'est pas ça qu'on parle. Hein? Okay? C'est aux convoitises mondaines, aux convoitises de ce monde. Ce monde a une convoitise, et là, je ne pense pas qu'il s'adresse à la convoitise de matériel comme telle, hein? Mais plutôt une convoitise péché. Okay? Le monde ici, souvent dans les épîtres, ça représente le côté mal. Le monde va dans le côté contraire à Dieu. C'est en opposition à Dieu. C'est pas le monde, c'est les matériels. Non, le monde, c'est pas ça. Dieu n'était pas comme ça, parce que tous les grands hommes de l'Ancien Testament étaient des millionnaires. Okay? David, puis Salomon, puis Abraham, puis Job, c'était tous des millionnaires par sa tête. Donc Dieu n'est pas contre ça. Okay? Dieu, puis dans le Nouveau Testament, on voit qu'il y avait des hommes qui étaient aussi riches. Il y avait des maisons, puis il y avait des églises dans leurs maisons, puis il y avait des grosses maisons. Pour avoir une église dans ta maison, c'était au moins une maison assez grosse pour la faire, l'église dedans. Donc, c'était pas qu'il était contre ça. Mais la convoitise de ce monde, c'est le péché. Puis là, il parle de convoitise. Tu convoites le mal. Tu convoites les choses mal de ce monde. Le désir de ce monde. Le désir se porte vers le mal. Le monde, ouais. Ça représente le mal ou à l'opposition de Dieu. OK? Puis on va le voir parce que tout à l'heure, il va montrer le contraire. Là. Donc, il dit. Oui. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises du monde. Comme tu convoites la femme du voisin, c'est une question morale. Okay? Ouais. C'est dans ce sens-là. C'est vraiment la convoitise dans ce sens-là. Est-ce que c'est le même mot convoitise que dans Romains 12? 12, attends une minute. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. C'est-tu un peu ça? Oui, c'est ça. Le siècle présent, on va le voir juste après. Là. Ah, OK. On va le voir juste après, le mot siècle présent va être là quelque part là, dans notre texte. Oui, il y a vivre dans le siècle. Okay. Dans le siècle présent. Okay. OK. Donc, le siècle présent, c'est le temps de l'Église. C'est le temps qu'on est maintenant dedans. Exact. Okay. Donc, il dit, mais il dit à vivre. Là, c'est dit qu'il va donner le contraire du côté positif. Renonce à quelque chose, mais vis pour d'autres choses. Vis dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc, c'est le contraire de l'impiété. Vis dans la piété, vis dans la justice, vis dans la sagesse. Donc, tout à l'heure, la convoitise mondaine, moi, je pourrais aussi bien dire l'injustice ou la folie de ce monde. Ouais. Okay. Donc, c'est contraire ici qu'on donne. Il a donné le côté positif et le côté négatif. Okay. Renonce au péché, tourne-toi vers le bien. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Donc, parce que tous les trois versets, ils répètent un peu comme la même chose. Là. La grâce nous pousse à renoncer aux méchantes œuvres, aux mauvaises œuvres, puis elle nous pousse à faire des bonnes œuvres. C'est pas le contraire que ça fait. Donc les gens qui nous disent si tu es sauvé, tu peux faire ce que tu veux, ben non. La grâce me pousse à faire le bien et non pas à faire le mal. Mm-hmm. Moi, je dis souvent aux gens, plus je me sens aimé par quelqu'un, plus je vais lui faire du bien. C'est pas le contraire. Ah, ben, c'est que je sais que ma femme a la même, je vais aller coucher avec la femme voisine. Non, on fait jamais ça. Hein? C'est le contraire qu'on fait. Plus on s'est aimé, plus on va être fidèle. Oui. C'est ça qu'on va faire. Quand on c'est... comprend ce que Dieu a fait pour nous, ben on veut faire des choses correctes pour lui. C'est ça qui est le naturel. C'est pas le contraire que c'est naturel. Ben là, t'es sauvé, tu peux faire ce que tu veux. Ben non. Hey, moi, si quelqu'un me sauve de la mort physique. Ouais, tu donneras pas une jambette. Ben non. Si le même matin, je le vois dans le fossé, moi, il est sorti du fossé. Ouais. Il m'a fait tout ce que je peux pour le sortir du fossé. T'sais. Il m'a sauvé la vie la veille. Je ne peux pas dire, t'as déjà le temps pas, toi, là? Ben non, fais pas ça. OK, fais pas ça. Naturellement parlant, fais pas ça. OK? Donc, il dit, renonce à quelque chose, puis désire autre chose, ou vive pour d'autres choses. Donc, la grâce, elle était manifestée, et la grâce, elle m'enseigne. Elle m'enseigne à renoncer au péché, puis à vivre dans la piété. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le Seigneur revienne me chercher. Donc, en attendant la bienheureuse espérance de la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Remarquez bien ici que le grec, là, c'est vraiment grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ça dit que Jésus est Dieu ici. C'est juste une personne, ça. Notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ah, oui, notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc, c'est pas notre grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. S'il y avait deux personnes, on mettrait deux fois la chose. Là. En français, on dirait deux articles ou deux pronoms. Okay? En français, ça nous oblige à dire que les deux s'adressent à la même personne. Notre grand Dieu est sauveur. Il est Dieu et sauveur. Donc, c'est vraiment intéressant de voir cela. Donc, c'est vrai que les gens disent, Jésus, il n'est pas appelé Dieu. Puis je leur dis, ben oui, Jésus est appelé Dieu ici, là, non? Dans ce passage-là, tu es appelé Dieu ici. Et notre grand Dieu et sauveur, Jésus-Christ. Donc, c'est la manifestation de la gloire de notre grand Dieu, c'est qu'on fait cela jusqu'à temps qu'il vienne nous chercher. Jusqu'à temps qu'il vienne nous chercher. Jusqu'à temps qu'il vienne établir le monde qui va être. Parce que notre désir, c'est ce nouveau monde-là, nous autres. Et le nouveau monde, il va être quoi? Sans péché. Il va être dans la piété, il va être avec Dieu, il va être dans la présence de Dieu, il va servir Dieu. Donc, on est dans l'attente d'un monde sans péché. Il serait bien fou de dire, maintenant qu'on attend un monde sans péché, parce que c'est ça qu'on veut, on va vivre dans ce monde dans le péché. C'est idiot, c'est illogique à faire. Ouais. C'est comme quelqu'un qui dit, j'attends l'hiver pour faire du skidou, mais ben, je ne m'achèterai pas de skidou. Mais non, c'est idiot. Si je m'attends à faire quelque chose, je vais agir en conséquence en attendant ça. Hein, j'attends pour ça en voyage, je vais faire ma valise. Je vais chercher mon passeport, je vais faire des affaires parce que je pars en voyage. Donc, ma vie d'aujourd'hui va manifester mon espérance. Mon espérance, ma bienheureuse espérance. Donc, mon espérance, c'est un monde nouveau où ce que le péché ne sera plus. Donc, maintenant, je devrais vivre comme ça, avec ce désir-là ici-bas maintenant. Imaginez que je vis dans un monde de péché. Mais ça va se manifester que je désire un monde sans péché. OK? Troisièmement, elle nous est manifestée la grâce, elle nous enseigne à vivre. Et donc, maintenant, elle, cette grâce-là, elle s'est donnée elle-même. OK? La grâce s'est donnée. Il, c'est Jésus. Il, c'est la grâce. Il s'est donné lui-même pour nous. Et regardez pourquoi. Afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, zélé pour les bonnes œuvres. Donc, il dit, regardez bien le but de notre achat, le but de notre salut, le but que la grâce s'est manifestée et nous enseigne. Pourquoi est-ce qu'il est venu mourir pour nous autres? Pourquoi on y allait au ciel? Pas marqué ici. C'est quoi le but ici? Il est de nous racheter, c'est-à-dire qu'il a payé le prix, OK? Afin de nous racheter du péché, de l'iniquité. Il y a un but, c'est de se faire un peuple. Qu'est-ce qu'il va faire, ce peuple-là? Il va être zélé pour les bonnes œuvres. Donc, le mot, c'est... Tu prends comme Jésus nous prend, il paye le prix, il nous purifie, il nous lave, on en avait bien besoin. Et écoute, il nous a purifiés et lavés. C'est maintenant, fais des bonnes œuvres pour moi. Les bonnes œuvres, c'est pour son œuvre, à lui. L'œuvre, présentement, c'est l'œuvre de bâtir l'Église. Donc, on travaille à bâtir l'Église. Et l'Église est là pour lui. Donc, c'est ça que je dis souvent, le salut, c'est pas pour moi, le salut, c'est pour me rendre capable de servir quelqu'un d'autre. Donc, le salut, c'est pas pour avoir une place, le salut, c'est pour servir une personne. Étant dans le péché, je pouvais pas la servir. Même si Dieu me dirait, OK, François, je vois bien, tu as des bonnes intentions, tu veux me servir maintenant, vas-y, sers-moi. Je serais pas capable. Il faut qu'il fasse le miracle de me purifier, de me faire naître de nouveau. Parce que sans ça, je suis pas capable de servir, même si je voudrais. Bien, si je voudrais. Dieu peut pas. Si Dieu m'a dit, OK, François, je te pardonne tous tes péchés. Elle dit, merci Seigneur, j'aurais pas hâte de servir plus. Il faut qu'il me fasse un miracle pour que je sois capable de servir. Il faut que je sois capable. Parce que la chair ne veut pas et ne peut pas obéir à ce quoi Dieu. Elle ne veut pas et ne peut pas. Donc, si elle n'a pas fait de quoi dans ma chair, le miracle de la nouvelle naissance, je ne pourrais rien faire. Il y en a, par contre, aussi qui peuvent faire des ministères ou servir par le chair. Oui. Ça, on voit ça souvent. Mais c'est pas ça que c'est, ça conduit jamais à la gloire de Dieu. C'est ça, ça t'offre pas. Parce que, puis ici, les bonnes œuvres, c'est pour la gloire de Dieu. Exact. C'est pas pour le voisin se sentir mieux. Oui, il va se sentir mieux, mais il faut que ça glorifie Dieu à quelque part. Okay? Il y a plein de personnes dans la terre, qui, dans le monde, qui font du bénévolat, qui donnent leurs argent. Mais le motif, c'est pas pour la gloire de Dieu. Parce que quand ces personnes-là meurent, regardez ce qu'on fait. On te les vante, on parle d'eux autres, pas les couronnes, puis on ne parle pas de Dieu. Ça ne glorifie pas Dieu. Ça ne glorifie pas Dieu. Ça glorifie l'homme qui les a faites. L'homme qui les a faites. Donc, c'est pour ça qu'il parle ici. Les bonnes œuvres ont un but, la gloire de Dieu. Si ça n'atteint pas ça avec le temps, c'est juste du bénévolat. Je vous dirais ça comme ça. C'est juste du bénévolat. Parce qu'il faut que ça fasse la gloire de Dieu à quelque part. À quelque part, du meilleur d'un autre, il faut que ça fasse la gloire de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours une façon de dire que le chrétien, il ne fera pas juste du bénévolat. Il faut à quelque part que la parole de Dieu accompagne ça. C'est pour ça qu'on donne nos argents à des organismes qui font du bénévolat et qui font de la prédication de l'Évangile en même temps. Pas juste du bénévolat. C'est pas mal en soi, mais on peut faire mieux si on proclame l'Évangile. Ouais. Une de mes tantes a passé sa vie au Brésil. Tout sa vie, jusqu'à Takama, avec les héros, puis les pauvres, puis fait toute sa vie. Mais quand ma mère parle d'elle, elle parle d'elle. Elle parle pas de son Dieu. Ouais, c'est ça. Elle parle d'elle. Sainte Thérèse, puis Sainte Thérèse, ça s'appelle Thérèse, mais elle l'appelle Sainte Thérèse, Sainte maintenant, c'est mon mère. C'est comme Éphésiens 2.8, afin que vous êtes sauvés par la grâce et non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est ça. Ils se glorifient de leurs œuvres. C'est ça, c'est ça. On ne peut pas se glorifier. Donc, nous, quand on fait quelque chose, on doit le faire. Moi, il y a des gens qui m'ont déjà demandé, pourquoi tu fais ça, François? Ah, moi, je fais ça pour que Dieu soit connu dans le monde. Pour que Dieu, que tu comprennes que Dieu t'aime. Juste que tu comprennes que Dieu t'aime. Il veut te faire du bien. Pas moi qui te fais du bien, là. C'est Dieu qui veut te faire du bien à travers moi. Mais si tu ne comprends pas que Dieu te fait faire du bien, ça fait juste, ça te fait du bien. Mais le vrai bien, c'est de connaître Dieu. Faut, à quelque part, il faut qu'on glisse dans notre relation avec la personne, avec quelque part, parce que sans ça, Dieu n'est pas glorifié. Et juste, il va juste dire, tu es une bonne, tu es un bon gars. Ouais. C'est gentil. Mais c'est pas ça que je voulais. J'aimerais dire, tu es un grand Dieu, François. T'sais, ah là, ça te fera plaisir. Okay? C'est ça qu'on veut atteindre, dans le fond. C'est pas juste me faire dire, tu es un bon gars. Parce que. Mon gars, ça fait petit en bébé, tu sais, dans ce sens-là. Donc, Jésus, le but qu'il avait en me sauvant, en me purifiant, en me rachetant, il dit, François, je veux que tu sois dans mon peuple et que tu sois un gars zélé pour les bonnes œuvres, afin que mon œuvre s'accomplisse. Et il a dit, tout, Jésus, pendant toute sa vie, sur le... Vous remarquerez, Jésus avait la capacité de détourner les yeux de lui pour les tourner vers Dieu. Vous remarquez quand il fait des miracles, les gens vont dire gloire à Dieu. Ils ne disent pas gloire à Jésus, ils disent gloire à Dieu, parce qu'ils ne voient pas Jésus comme étant Dieu, les autres là. Mais ils disent gloire à Dieu pour. Hey, on n'a jamais vu des affaires de même, gloire à Dieu. Puis Jésus disait tout le temps, je suis ici pour la gloire de mon Père. Je suis ici pour la gloire de mon Père. Ouais. Mon but, c'est de faire la gloire de mon Père. Il détournait toujours les regards, puis il les envoyait vers Dieu. Tout le temps. Quand Dieu parle, il dit je vais te glorifier. Je vais te glorifier. Là, il parle du Fils. Mais lui, le Fils, tout ce qu'il veut, c'est glorifier le Père. Donc, ça devrait être notre but aussi. Dans le fond, les bonnes œuvres, c'est ça, les bonnes œuvres. Ça l'amène la gloire à Dieu. Amène la gloire à Dieu à quelque part. Ouais. Et là, il dit ces choses, les choses qu'il vient de parler, dans tout le chapitre 2, dit ces choses. Dit, enseigne-les, encourage les gens à le faire, et les gens qui ne le font pas, reprends-les. OK? Là, on parle dans l'Église, on ne parle pas des inconvertis. Hein? On parle des gens. Ben, inconvertis dans l'Église. Des gens qui sont dans l'Église, c'est là. C'est donc, il dit, encourage-les, enseigne-les d'abord, encourage-les et reprends-les. Et fais-les avec l'autorité. Quelle autorité? L'autorité de la Bible, l'autorité de la parole de Dieu. Pour Tite, son autorité, c'était Paul. Donc, il dit, l'autorité que Paul lui avait donnée. Et Paul avait l'autorité qui venait de Jésus. Donc Jésus donnait à Paul, Paul le donnait à Tite. Tite va le donner aux anciens. Les anciens vont donner, Paul a dit, ou Jésus a dit par la bouche de l'apôtre Paul. Mais l'autorité, c'est Dieu. Ils vont dire aux gens, ah ben là, mon idée, c'est pas important, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Ça, c'est important. On dit ça souvent. Hein? Ouais. Mais l'important, c'est savoir ce que la Bible a dit là-dessus. Là. Pas savoir ce que les baptistes disent. Les baptistes, c'est juste une autre gang. Ça, là. On leur dit aux gens, c'est pour ça qui est important. C'est, ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est notre but. Enseigne les titres, encourage les frères à le faire et reprend les frères qui ne le font pas. Ou les gens qui se disent frères et qui ne le font pas. Parce qu'on a vu dans titre 1, il faut fermer la bouche des jeunes gens, puis il faut les chasser de parmi nous, il faut les enlever, parce qu'ils font des choses épouvantables. Ils détournent les gens de la foi, ils détournent les familles entières. Donc, il dit, il faut les fermer la bouche et les enlever de là. Donc, reprends-les, ces gens-là. Mais il va dire à Timothée, reprends-les afin qu'ils viennent à la repentance. Donc, le but, c'est toujours de les amener à la repentance et que finalement, ils marchent sous la grâce de Dieu. C'est pas juste les reprendre pour les engueuler, mais les reprendre pour qu'ils se repentent finalement. Parce que moi, j'ai vu des frères ou des sœurs qui vont faire des choses impies, dans le sens des choses qui ne manifestent pas l'amour de Dieu. Et c'est juste un manque de connaissance. Tu leur dis ces choses, et là, ok. D'autres frères et sœurs, ils les savent, mais ils ont juste besoin d'être encouragés. Hey, savais-tu que, hein, tu as besoin d'air pour prier ensemble? Ils partent. Bon. C'est juste besoin d'être encouragé. Quand ils disent c'est pas grave, là, c'est la reprendre. Dieu veut ça. Non, Dieu ne veut pas ça. Faut que je te le montre dans la Bible. Là. Maintenant, un couple qui était à côté avec des chrétiens, je suis allé les voir. Je dis, qu'est-ce que vous pensez que Dieu dit là-dessus? Qu'est-ce que vous pensez que Dieu dit? Je vous donne 2 semaines de prendre votre Bible et de chercher, voir si Dieu approuve ce que vous faites ou désapprouve ce que vous faites. C'est Dieu qui doit vous dire ça, pas juste François de Lettre. Moi, j'en reviens dans 2 semaines pour en discuter. Puis on va voir qu'est-ce qu'il y en a. Je savais qu'il savait. Mais je voulais lui laisser faire le devoir, tu sais. Fait que 2 semaines après, je reviens. Ouais, on ne pas connaître. Il avait juste besoin d'être encouragé et d'être aligné dans une direction. Puis je lui dis, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider en tant qu'Église pour partir du point A, que vous êtes là, puis vous voulez aller au point B. Ça, c'est le point que Dieu veut. Vous savez que Dieu veut ça. Mais comment on peut vous aider pour aller au point B? Puis finalement, ils sont allés au point B. Pas par le chemin que j'aurais pris. Ça, c'est bien sûr. J'aurais pas pris le chemin qu'ils ont pris. Mais l'important, c'est qu'ils voulaient aller au point B. Et j'ai dit, pendant que vous êtes de A à B, n'importe quand, si vous avez besoin d'aide, on est là pour vous aider en tant qu'Église, à vous rendre au point B, qui est la volonté de Dieu, que vous avez dit vous autres même, être la volonté de Dieu, puisque je suis d'accord avec vous autres, c'est ça que Dieu veut. Maintenant, peut-être en cours de route, vous allez avoir de la misère. Peut-être en cours de route, vous allez tomber. Mais on est là pour vous aider, pour aller encore au point B. Parce que des fois, il y en a qui vont arrêter, puis ils vont stationner là pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, puis tu vas retourner les voir. Ah oui. On y repart, il s'en va vers le point B. Parce que des fois, on voudrait qu'elle aille au point B comme nous, on ira au point B. Mais nous, on n'est pas eux. Mais ce que l'absolu, c'est qu'ils veulent aller au point B. Combien de temps ils vont prendre, quel chemin ils vont prendre? Ça reflète la maturité, ça reflète la personnalité, ça reflète un paquet d'affaires. Donc, finalement, ils se sont rendus au point B, mais ça a pris 3 mois au lieu d'un mois. On pensait faire ça dans 2 mois, puis ça a pris 3 mois. Mais je voyais toujours une bonne attitude. De vouloir aller au point B. De toujours vouloir aller au point B. Donc, ce qu'il avait besoin de quoi? L'encouragement. Et s'il m'avait dit, non, Dieu veut que ça reste de même, pas moi rester à côté, puis c'est ça que Dieu veut, là, je disais, là, on va passer à l'autre étape. On va reprendre. On va reprendre, parce que Dieu ne veut pas. Là, Dieu ne veut pas ça. Si vous dites que Dieu veut ça, ça veut dire que vous dites que Dieu veut le péché, là, on n'est pas d'accord. En tant qu'Église, on ne veut pas. On dit, non, Dieu ne veut pas le péché. Là, il va falloir vous ajuster en conséquence. Donc, voyez-vous, il y a un processus, là. Dis les choses, encourage dans le processus, puis reprends-les, ces gens. Puis il dit que personne ne te méprise, et probablement à cause de sa jeunesse, à cause qu'il est un jeune parmi les plus vieux, Tite et Timothée, à deux, qu'on ne méprise pas ta jeunesse, qu'on ne méprise pas, probablement il fait référence à ça, ou qu'il va être méprisé, des fois, par les gens qui vont reprendre. Puis des fois, les gens qu'on reprend, vont nous mépriser, puis reprendre. Okay. Ça fait partie de la gang. Okay? Ça fait partie du risque de reprendre quelqu'un. Parce que des fois, il y en a qui vont dire merci, des fois, il y en a qui vont dire que Dieu t'emporte. C'est différent. Donc, donc, que le Seigneur puisse nous aider à voir la grâce comme un motivateur. L'apôtre Paul, il dit, l'amour de Dieu me presse, me pousse. On t'aime parce que Dieu nous a aimés le premier. Plus je comprends l'amour de Dieu, plus je vais aimer Dieu. On n'aime jamais à partir du vide. L'amour tire son énergie, sa force de l'amour de Dieu. Donc, je vais aimer Dieu seulement si je suis enraciné dans l'amour de Dieu pour qu'il me donne du jus pour pouvoir l'aimer. Même pas capable de l'aimer. Il faut qu'il me donne l'amour pour pouvoir l'aimer. Donc, si je l'aime, c'est gloire à Dieu. Si, hein, c'est, tu veux te tourner à lui tout le temps parce qu'il est obligé de me donner ce que j'ai besoin pour l'aimer. Je ne veux même pas l'aimer moi-même. Je vais t'aimer, Seigneur. Pauvre toi, tu as des belles intentions. Mais si tu t'enracines dans mon amour, là, tu vas pouvoir m'aimer. Vois-tu donc? Ouais. Dieu est amour. Puis je disais un article dans sur Internet par rapport au calviniste cette semaine, qui disait Dieu est obligé de produire en nous ce qu'il veut qu'on fasse. Mm. Donc, il faut lui donner la gloire de toutes choses. Il dit, on n'est pas capable même d'aller vers Dieu. Il faut qu'il nous donne la grâce d'aller vers lui. Il nous donne la repentance, il nous donne la foi, il nous donne l'amour, il nous donne le Saint-Esprit, il nous donne une nouvelle naissance. Et tout, il nous donne parce qu'on ferait absolument rien d'autre que le détester. C'est ça le péché. Détester, c'est la règle de Dieu. Tu sais. Donc, c'est un peu ce qui nous a aidé à être des gens qui démontrent que notre vie est en accord avec ce qu'on dit, et que la grâce de Dieu, loin de nous pousser à la passivité ou à la paresse spirituelle, elle nous pousse au zèle. C'est ce que Jésus a dit, le zèle de ta maison me dévore. Donc Jésus n'avait du zèle. Jésus n'avait du zèle. Donc, parce qu'il avait une grande affection pour Dieu, un grand amour pour Dieu, donc ça le poussait à servir Dieu. Que c'est là pour nous aider à vivre comme cela.